Scene one, Apple, take one. Are you ready? Otaku, les news de Wotaku. Une fois par semaine, les news avec Wotaku. Et on lance tout de suite la machine. Ok, moteur. Ah, ça c'est pas vrai. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Comment on l'arrête ce machin? On l'arrête pas. Hey. Bienvenue à tous dans ce 9e épisode, ce 9e Otaku, de ce début de mois de juillet. Donc je suis avec mes deux compères Amandine et Ludo et on va vous faire un petit récapitulatif des news de Cataclysme et de ce qui s'est passé dans le monde merveilleux de World of Warcraft ces dernières semaines. Il n'y a pas grand chose non plus énormément, il y a des trucs assez importants mais non plus les news c'est pas faramineux. Amandine, ça va? Oui, très bien, merci. Tu dors? Non, je rigole, je ressors d'une petite séance de bronzette, mais là ça va. D'accord. Alors, au menu de ce otaku bien hot, hein, parce qu'il fait hyper chaud avec la canicule, c'est horrible. Nous allons commencer par les news du patch 3.3.5, des nouvelles de Cataclysme, quelques infos à vrac, et on terminera en vous parlant de la Japan Expo et l'IRL Wotaku AFR, enfin du peu de news que nous avons eu. Donc voilà, parce que nous on n'y était pas, il n'y avait que Circle. Donc on vous reparle de tout ça tout à l'heure. Alors, pour le patch 3.3.5, donc maintenant il est en ligne depuis mercredi, et il a amené avec lui une fonction assez intéressante qui est le nom réel. Alors, le nom réel, JP, je crois que tu l'as testé, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que, limite, tu peux nous présenter ça en quelques mots? Alors, ouais, je vais vous en parler un petit peu, parce que j'ai testé avec Cédric, en fait, avant qu'il parte pour Paris. Donc, en fait, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser le pseudo d'un personnage que vous avez rencontré sur votre serveur que vous utilisez en tant qu'ami, donc la fonctionnalité pour garder les noms des joueurs avec qui vous avez apprécié de jouer avec, ça ne va rien dire ce que j'ai dit, mais tant pis. La particularité, c'est que quelle que soit la faction et le serveur, vous pourrez discuter avec la personne. Je m'explique. Au lieu d'utiliser le nom de personnage du joueur que vous voulez rajouter en tant qu'ami, vous utiliserez son compte Battle.net, enfin l'adresse mail qu'il utilise pour son compte Battle.net. Donc ça permet, c'est la porte ouverte, je pense, moi, à l'implantation. D'une fonctionnalité de discussion entre les deux factions, quoi. Alliance et Horde, parce que là c'est le cas. Moi j'étais côté Alliance et Cédric était côté Horde, enfin Circle était côté Horde, et on a pu discuter comme ça pendant une heure et demie. Et ça permet aussi de faire des chans comme on fait d'habitude, en fait, des chans avec des gens en nom réel. On peut rester. Quel que soit le personnage que vous utilisez, ces noms-là vont rester, seront rattachés à votre compte, en fait. Imaginons que j'utilise mon druide tauren, je parle avec Cédric, j'utilise mon elfe guerrier, je peux toujours parler avec Cédric, sans avoir à retaper son nom. Ça veut dire que, pour être plus précis, c'est une liste d'amis rattachée à votre compte, et non pas à votre personnage. Voilà. Et est-ce qu'ils ont surtout implémenté la fonction de parler avec tes amis dans d'autres jeux? Pour l'instant, il me semble pas, vu que peut-être avec la bêta, je sais pas, parce que nous on l'a testé avec WoW, mais je pense que dès que StarCraft 2 sera sorti, je pense qu'on y aura droit. Bon, je pense pas que avec la bêta ils se sont embêtés pour l'instant à le faire, parce que le jeu sort à la fin du mois, il sort le 27, donc ils vont pas s'embêter à le faire pour une bêta alors que dans un mois ils vont le sortir. Donc là on parle de StarCraft 2. StarCraft 2, ouais, voilà. Je pense qu'ils vont le sortir. Et pareil pour Diablo 3, la bêta, à mon avis, je pense pour la bêta de Diablo 3, s'il y en a une, bien sûr, je pense qu'on y aura droit. Mais là, c'est vraiment l'implantation pure et dure. C'est vraiment le premier jalon du prochain Battle.net, en fait. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que ça a l'air assez intéressant. Moi, j'ai pas eu le loisir encore de la tester. Je crois qu'Amandine non plus. Non plus. Voilà. Bon, c'est vrai que pour l'instant, WoW, c'est intéressant. Après avoir avec StarCraft et Diablo, ça marche bien. Parce qu'à mon avis, ce sont deux jeux qui vont rencontrer un grand succès. Avec le patch 3.3.5 qui est également arrivé, le Sanctum Ruby. Donc c'est un nouveau raid qui se situe dans la chambre des aspects. Donc ça se trouve au sous-sol, dans le temple du repos du ver. Donc apparemment, le boss Alliance s'est déjà fait violer en quelques heures suite à la sortie du patch par Non, Mickey de non, la... non, non, non, non, non. Quoi? Non, il s'est fait tuer, il s'est fait éclater, il s'est fait bousiller, il s'est fait maraver, tout ce que tu veux, mais pas ça. Il s'est pas fait violer? Non, il s'est pas fait. Ah d'accord, bon bah alors le boss il s'est fait tuer, Maraver. voilà, par la guilde de Prémonition qui est une guilde américaine. Bon là encore il y a quelques petites polémiques pour savoir si c'est le first Ouais. hit ou pas, bon ça à la limite on s'en tape. Ouais. Non, mais non, on s'en tape pas, non, non. Je suis désolé, c'est que Blizzard, le jour de la, quand même, pour l'installation de la 3.3.5, ça a été un peu laborieux, je veux dire. Ce qui a pas permis, notamment française, de tenter le first kill, effectivement. Déjà, les patchs sont pas mis au même moment entre les serveurs. On a une semaine de décalage. Et en plus, on est obligé d'attendre quasiment une journée pour pouvoir toucher à la bête, quoi. Ouais, mais là c'est normal qu'il y ait un décalage entre la sortie US et Amérique et européenne pour le patch 3.3.5, vu que c'était parce qu'en fait c'était assez technique, je crois, pour le non-réel. Ouais. Donc c'était surtout pour ça que ça a été décalé. Ils voulaient voir d'abord en US comment ça se passait, ensuite déployer au reste du monde. Enfin, quelque part, c'est normal, je trouve. Après, c'est sûr que pour le boss à Lyon, bon, en même temps, il a pas l'air d'être très compliqué. Donc, bien que, rappelons-le, c'est une guilde assez optimisée donc pour les raids. C'est pas parce que eux ils l'ont tombé en quelques heures que forcément n'importe quelle guilde va le tomber tout de suite. Hein. Il y a pas mal de personnes qui se cassent les dents, je crois, actuellement dessus. C'est pas plus mal, hein, ça donne du temps au... Ça donne du grain à moudre en fait aux joueurs avant un cataclysme quoi. Oui, voilà, puis on le répétera jamais assez. Si vous voulez vraiment apprécier ce boss dans toute sa difficulté et pas le sentir faible ou quoi, ne regardez pas les stratégies, allez-y comme ça. Profitez-en. Ok, maintenant on va passer aux news sur Cataclysme. Donc, si vous avez suivi l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que Cataclysme est désormais passé en bêta, et de façon officielle. Donc après l'alpha, c'est la bêta, donc c'est une phase un peu plus évoluée de l'extension. Bon, bien sûr, date de sortie, on planche tous plus pour du novembre-décembre hein, 2010, si tout va bien. Donc, si vous voulez voir si vous avez été retenu pour la bêta de Cataclysme, c'est très simple. N'attendez pas forcément un mail de Blizzard, quoique ils doivent l'envoyer normalement, mais connectez-vous sur votre compte Battle.net et vérifiez si vous avez un nouveau jeu qui s'appelle Cataclysme Bêta, par exemple. Par rapport à ça, on vous met également en garde sur tout ce qui est phishing, parce que ça y va pas mal en ce moment par mail. Ou vous recevez un soi-disant mail de Blizzard vous disant que vous avez été sélectionné pour Cataclysme et de cliquer sur un lien assez bizarre pour y entrer, vous identifier, vous dire c'est bon, vous avez été pris, alors que c'est un spam, enfin un phishing. Donc si vous avez un doute ou si vous recevez un mail de Blizzard pardon, douteux, ne cliquez surtout pas sur les liens dans le mail. Rendez-vous sur le site Battle.net de votre compte, rentrez vos identifiants sur le vrai site avec l'adresse que vous avez vous rentré, enfin que vous avez rentré vous, et vous verrez directement si vous êtes pris pour Cataclysme ou pas, parce que vous ne recevrez pas de clé par courrier, c'est automatiquement activé. Entre le NDA qu'il y avait au niveau de l'alpha et maintenant, donc le NDA qui a été retiré avec le passage en bêta de la version, sachez que les informations qui ont été révélées lors de l'alpha, qui ne sont pas officielles, doivent rester confidentielles en quelque sorte. Maintenant, tout ce qui va filtrer au niveau de la bêta de Cataclysme, ben vous pourrez les voir, il n'y aura plus de NDA dessus. Toutefois, attention, dans le sens où ça risque pas de vous supprimer une bonne partie des découvertes et du plaisir quand vous aurez l'extension entre les mains. D'ailleurs, on a vu que Jojype avait remis ses balises spoil en fait. Il fait des news et quand c'est du spoil en fait qui risque de vous gâcher le plaisir de découverte, ben comment dire, C'est masqué. Voilà, c'est marqué masqué. dessus. Voilà, si vous cliquez, ça vous risquez péril. Vous pouvez pas dire que vous êtes arrivé dessus par hasard. Donc je trouve ça bien. Moi, pour l'instant, j'essaie de me limiter au maximum sur les infos. Peut-être qu'un jour on aura des clés bêta. On n'a aucune information, sinon on aura vraiment des clés bêta en tant que fan site. On vous le dit tout de suite, on ne sait pas du tout. On attend de nouvelles de Blizzard à ce sujet. Donc s'ils ont des clés à nous donner, ben, nous les donneront. S'ils n'en ont pas, ben, ils ne s'en donneront pas, tout simplement. Et si on en a à vous faire gagner, ben, croyez-moi, vous serez les premiers informés. Mais d'abord, on les gardera pour nous, hein, quand même. Bien sûr, ça J'attendais cette petite remarque de la part de JP. Non, mais bon, quand même, hein, faut peut-être pas déconner. Concernant les news sur la bêta de Cataclysme, on commence à se faire un peu inonder de par les premiers retours des joueurs et il y a pas mal de screenshots également. C'est assez hallucinant quand même. La bêta est arrivée que vendredi. c'est ça? Jeudi ou vendredi? Ouais, c'est vers là, ouais. Voilà. Et on est dimanche, l'heure où nous enregistrons, et c'est déjà, enfin, il y a des news partout, quoi. C'est des screenshots et tout. Ah bah, les gens n'attendaient que la levée du NDA, de toute façon, pour faire un déferlement. Ouais, alors JP, tu m'as dit que tu avais vu quelques screens justement de la bêta sur l'interface. Alors sans trop faire de spoil, pour ceux qui ne Ouais. seraient, voudraient pas découvrir, qu'est-ce que tu peux nous dire en gros sur l'interface? Parce qu'apparemment elle a été retouchée, l'interface utilisateur. Elle est belle. Elle est belle. Ah bah C'est tout ce bravo! que j'ai. Ça c'est Elle est bien! belle. Non, mais dans le, enfin, elle a un rajeunissement déjà sur le fait que nous n'avons plus ces immondes, je sais pas comment dire immondes, mais c'était un peu ce qu'on avait avant, c'est-à-dire dans les interfaces, t'avais des bouts, c'était des parchemins en fond d'écran. Tu vois, pas très bien stylisé et tout, alors que là, c'est magnifique. Les compétences sont bien. T'as des petits, tu sais, des add-ons qui faisaient ça à la base pour améliorer un peu le graphique. Ben ça, c'était implémenté. La fonction de l'arbre de talent a été modifiée. Là, t'as les trois arbres de talent chaque côté. Enfin, les trois arbres de talent de visu. T'as pas besoin de te taper à attends, faut que je regarde dans mon truc GIF, donc t'es obligé de cliquer sur GIF pour pouvoir y aller. Non, là t'as tout de visu. D'accord, ça c'est bien, ouais. Voilà, ça a été bon. Quand je regarde les screenshots, on voit bien que ça a fait un coup. Ils ont bien amélioré graphiquement le jeu. Ça, y a pas photo. Bah, c'est bien parce qu'ils sont appuyés sur pas mal d'addons qui faisaient ça jusqu'à présent, et pour l'intégrer à l'interface de passe, au moins on est sûr que ça coûte moins de ressources. Et sinon, t'as par exemple des. Je regarde, là, je suis en train de regarder justement les nouveau sort, enfin là, les maîtres magiciens, là ils montrent le maître magicien par exemple, où ils te présentent un peu comment ça se passe pour les sorts, pour acheter les sorts, et effectivement c'est beaucoup plus joli déjà, parce que c'est moins, c'est pas la, c'est plus un listing tout bête et méchant sur un fond noir des compétences, là t'as un truc tout joli avec un fond parchemin, le petit la petite icône de la compétence, le prix que ça te coûte, le niveau qu'il te faut, Alors moi j'ai une petite tout question, bien stylisé. est-ce que sur la barre des sorts en bas, il y a toujours les deux griffons à gauche et à droite qui Toujours. délimitent? Ah et ça ils sont toujours, d'accord. Toujours. Ah, Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas, moi je m'en fous oh, mais. j'adore. Non, oh, j'adore. Et sinon, je regarde là, je suis en train, la comp la page, la fiche de personnage a été remanié aussi dans le même style, avec par exemple, je sais pas si vous si vous vous vous enfin vous rappelez, ça existe toujours, mais dans le choix du personnage quand vous arrivez sur votre compte, Oui. votre personnage il est dans un dans une zone, enfin t'as Dans un l'humaine, elle, environnement spécial. Oui, voilà, ça me et là sert à par ça. exemple cet environnement a été mis dans la fiche de personnage. Tu vois, c'est plus un fond noir tout bête et méchant. Là, D'accord. c'est ton personnage dans un fond, dans un environnement, l'humaine à Hurlevent, le nain à Donmorog, voilà. Et sur le côté, vous avez tout ce qui est enfin, les compétences, les stats, voilà. Toutes vos D'accord. stats. Avant, on avait que deux petits onglets où tu pouvais choisir tes caractéristiques plus en mêlée, Ouais, les c'est vrai que c'était dégâts, pas très enfin, clair, parfois voilà, c'était un c'était pas peu très compressé pratique. aussi, ouais. Voilà, et là, t'as tout d'un coup. C'est juste un truc à faire défiler et t'as tout. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. C'est bien ça aussi. Beaucoup plus pratique. D'accord. Donc des modifications esthétiques et surtout fonctionnelles pour que ce soit Ouais, beaucoup c'est plus simple bon. d'accès. D'accord. Bon, bah, ça promet de belles choses. Au niveau des combinaisons classe-race, nous avons deux nouveaux arrivants. Il s'agit du démoniste. Donc on a appris de sources officielles que les nains et les trolls pourront devenir démonistes. Alors les nains démonistes, c'est pas totalement n'importe quoi, parce que si vous regardez bien, tout ce qui est nain sombrefer, ben, ce sont des démonistes, et notamment Taurissant qui est leur chef est démoniste. Et côté des trolls, Amandine, JP, vous savez pourquoi? Les maléficieurs, non? Enfin, Bah oui, c'est. j'imagine. Tout à fait, ouais. On en croise dans les îles de l'écho. Donc voilà, enfin, niveau histoire, c'est pas totalement aberrant, c'est même tout à fait logique, hein, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a croisé des tonnes et des tonnes de nains et des trolls ben, démonistes. Voilà, donc à votre tour, vous pourrez y jouer. Et puisqu'on est dans la partie histoire, sachez en fait que Blizzard a demandé donc via un sujet sur leur forum officiel de poser des questions donc aux développeurs et notamment enfin développeurs surtout sur la partie histoire du jeu. Et donc ils ont commencé à amener un premier élément de réponse. Donc ils ont répondu à toute une série de questions sur l'histoire. Et d'après les retours des joueurs, ça a beaucoup plu. Ça a rassuré en fait certains joueurs sur le fait que Blizzard ne mettait pas de côté en fait tout ce qui était histoire du jeu pour se concentrer uniquement sur le contenu. Ils font en sorte que le contenu reste cohérent avec l'histoire qui est en place. Et que ça reste cohérent également avec les futurs ajouts qu'ils vont faire. Donc, si ça vous intéresse, ben, on vous mettra les liens de les notes de l'émission. On va pas en parler là parce qu'en fait, il y a énormément, enfin, il y a plusieurs questions. Je crois qu'il y en a entre 10 et 15 et répondent de façon assez détaillée à chacune. Au niveau des news en vrac, on apprend que Blizzard également peut être amené un jour à proposer World of Warcraft gratuitement, enfin, du moins l'abonnement. Alors c'est pas comment dire une fonctionnalité qu'ils excluent. Tout ça bien sûr c'est en fonction du marché, en fonction des concurrents, comment ça va se passer. Bon pour l'instant soyons honnêtes, il n'y a pas vraiment de concurrents. Là il y a des jeux qui ont l'air prometteurs, mais ça va faire, enfin c'est comme ça a fait pour Ion, pour Warhammer. Il y a eu également Age of Conan. C'est des jeux qui ont l'air beaux sur le papier, mais après il faut vraiment voir. Ben, au niveau du gameplay, quand on l'a entre les mains, ce que ça donne. Mais si un jour, apparemment, il y a un concurrent sérieux et que le modèle économique de WoW, ben, n'a plus de raison d'être au niveau d'un abonnement, ben, il pourrait justement le passer en gratuit. On va pas refaire la polémique de dire les WoW killers ou pas. Parce que je pense que les prochains jeux, les deux MMO prometteurs qui arrivent, je pense que ce sont pas des WoW killers, mais au moins qui vont prendre une bonne place. Bon, après, on verra bien. Même si j'ai un peu plus de mal avec The Old Republic, avec le 3 qui est arrivé, ils ont montré un peu plus, c'était pas tip top, apparemment. Mais effectivement, dans ce qu'ils disaient par rapport au free to play, c'est que c'est un genre, enfin, un mode de fonctionnement qui est en train de se démocratiser en Europe, qui est très, très populaire en Corée, au Japon, enfin dans les pays asiatiques. Et ce qu'ils pensent, en fait, c'est justement, c'est vers la fin de, pas la fin de vie, mais quand Blizzard ne s'occupera plus vraiment de World of Warcraft et qui passera peut-être sur le deuxième MMO qu'ils sont en train de préparer, peut-être qu'ils passeront à un modèle free to play, c'est-à-dire le client gratuit, mais des microtransactions comme ils nous ont fait avec le mini-pet ou la monture, des choses comme ça, à nous faire payer. Ouais, sachant qu'ils sont pas prêts d'abandonner l'exploitation du jeu parce que de leurs propres mots, ils ont prévu de quoi tenir encore, enfin de quoi tenir en tout de 9 ou 10 extensions quoi. Pour revenir rapidement sur le WoW Killer, c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait un WoW Killer. Deux MMO très bons peuvent cohabiter sur un marché sans que l'un tue l'autre aussi. Hein. Ouais, ce que je disais, que j'avais mis sur le forum, c'est que deux jeux peuvent très bien fonctionner en même temps sans qu'il y ait de problème. Je Enfin, vois je vois pas pas. pourquoi non plus on veut tuer WoW vu qu'il a un si grand succès, ou alors c'est peut-être justement parce qu'il a un si grand succès qu'on veut le tuer, mais bon. Alors ensuite, on va parler d'une petite polémique qui a vu le jour suite à l'annonce qui a été faite. Donc Blizzard en fait a communiqué le fait qu'il comptait retirer tout ce qui était accès d'instance, donc là on entend accès instance à 5 dans World of Warcraft. Donc par exemple, ça concerne, admettons, Gnomeregan, où il faut la clé d'atelier pour rentrer par la deuxième entrée. Il y a le monastère écarlate pour la partie armurerie et cathédrale. Bon, Maraudon, je crois que ça a déjà été retiré, ça, le sceptre de Celebras. Ben, toutes ces petites instances à 5, vous avez besoin justement d'un accès. Alors, je crois que ça, je sais pas si ça concerne les raids, ils ont parlé d'instances en général qui retirent en fait tous les accès. Mais les raids, c'était déjà, il n'y avait plus d'accès. T'avais plus d'accès, t'as plus Onyxia, t'as plus Ah oui, Naxxramas, c'est ça vrai. fait un moment. Ouais, c'est depuis le 3-3 exact. Autant pour moi. Donc voilà, donc a priori ça fait une polémique sur les forums. Donc nous aussi nous sommes un peu partagés sur le sujet. Donc nous avons JP d'un côté et Amandine qui sont contre, c'est ça? Ouais. Ok, et moi qui suis plutôt ni pour ni contre, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pratique pour un débat, ça. Bon, ben. Déjà, dites-moi pourquoi vous pensez que ça, enfin, pourquoi ça fait polémique et pourquoi vous aimez pas en fait cette annonce. JP? Oui, bah, j'allais te laisser parler, mais si tu veux, je peux commencer. Non, même si je pensais plus à une. Ainsi. Parce que déjà que les instances sont de plus en plus simples. Je dis de plus en plus simple, ou c'est vraiment du truc un peu. Parce que je le fais, je refais les instances à 5 là depuis le début avec ma guilde, et c'est. Voilà, c'est moi, je suis tank, je récupère les mobs et puis c'est balance les AOE et puis c'est fini quoi. Déjà que c'est ça devient de plus en plus simple, c'est en plus ce qui fait un peu le piquant, c'est-à-dire de t'emmerder, aller chercher une clé pour pouvoir aller ouvrir l'instance, par exemple dans le monastère écarlate. Bah voilà quoi, enfin maintenant ça va être comme disait Circle il n'y a pas si longtemps, ça va être les instances McDo, les instances supermarché quoi. Tu rentres, tu fais ton instance, tu te barres quoi. Mais pour toi, le fait d'aller te faire casser le cul à chercher une clé d'instance, ça ajoute du piquant à l'instance? Ouais, je trouve au moins ça te force à faire l'instance pour aller à l'autre bout de l'instance, tu vois. Bah, moi, C'était je trouve que pas. c'est pas que ça te rend l'instance meilleure, c'est que en fait, le fait d'aller chercher la clé de, par exemple, la clé de Scolomance. Vous remarquerez entre parenthèses que j'ai dit Scolomance parce que j'ai retenu la fois où tu m'as dit que ça se disait comme ça. Oui. Que c'était à l'époque en tout cas extrêmement long à aller chercher. On te fait aller dans tout un tas de zones, y compris Tanaris, pour aller chercher des morceaux de bidule, les fondre. Tu dois donner genre 10 pièces d'or ou quelque chose comme ça. Ou non, même beaucoup plus, je crois. Pour demander à un artisan de te la fondre. Ensuite, tu la ramènes là-bas pour pouvoir ouvrir la porte. C'est très chiant. Je suis tout à fait d'accord, c'est très chiant. Ça aurait été plus sympa peut-être d'avoir l'accès tout de suite et de rentrer directement dans l'instance pour les gens qui ne font les instances que pour faire des instances. Parce que moi, ça m'a vraiment, comment dire, mis dans l'ambiance et dans l'idée de je vais pouvoir rentrer à Ascolomance, me préparer, me donner vraiment l'envie. Et en fait, comment dire, l'attente crée l'envie, comme on dit. Et le fait de ne pas pouvoir rentrer tout de suite et de faire toute cette série de quêtes qui d'ailleurs rapporte énormément d'expérience et qui est très divertissante faisait qu'une fois que je suis rentrée là-dedans, rien que le fait d'être dedans, j'étais contente. J'étais là, ouais, bon, c'est bon, je suis dans la place et tout. Et j'avais plus qu'à découvrir l'instance. Mais déjà, rien qu'avant ça, ça m'a fait connaître tout le background. Ça m'a interpeller et donner vraiment l'envie, parce que c'est pas possible que tu te fasses suer, on va dire, pendant 5 heures pour faire ta quête d'instance, pour avoir ton accès, et que tu ne fasses pas ensuite l'instance. Donc c'est toute une démarche qui fait que ça te donne envie de faire cette instance et que c'est pas juste un donjon McDo. Et combien de fois si t'es resté sur le carreau parce que tout ton groupe il passe dans l'instance parce qu'ils ont l'accès et toi tu l'as pas? Et ça peut, ça ne, c'est très rare. Par exemple, rien qu'à l'Ascolomance, une fois que quelqu'un est à Oui, l'intérieur, il peut tout à ouvrir fait. la porte avec un levier. Voilà, je pensais plus au raid, mais c'est plus à Ah, l'époque, tu pensais effectivement. plus à Karazhan, oui, mais Ouais, c'est... exactement. Mais même par rapport à Ascolomance, le problème c'est que depuis le patch 3.3, il y a un nouveau système de recherche de groupe qui a été mis en place et qui maintenant. Le fait d'avoir des accès, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Je prends un exemple simple. Quand j'ai refait mon leveling à partir du niveau 66, je voulais faire en fait Fjordhundr, donc une instance aux grottes du temps, grotte du temps 1, où il faut un accès dans le sens où il faut aller prendre la quête aux grottes du temps et suivre le PNJ pendant 3 heures pour qu'il vous explique tout ce qui se passe. Non, ça, ouais, ça, c'est pas vraiment une quête d'instance. On a tous trouvé ça très chiant. Voilà, mais le problème c'est que pour faire cette instance, il faut faire l'accès. Tout à fait. Et même avec le nouveau système, on ne pouvait pas faire cette instance parce que les gens n'allaient pas faire cet accès, qui est pourtant pour moi une des meilleures instances. Et j'étais vraiment Mais frustré de ne au pas même pouvoir la titre faire. qu'il faut avoir fait GT1 pour pouvoir faire GT2, mais après, les Exactement. gens s'en occupent ou ne s'en occupent pas, mais c'est une question d'organisation et de réflexion. À partir du moment où on a connu le jeu avant cette mise à jour, on sait très bien quels sont les systèmes d'accès, quel est l'ordre logique des choses, Et et on ne pas pour les s'inscrit nouveaux pas dans un joueurs. donjon où on ne peut pas aller. Oui, c'est ça. Voilà, Mais parce le que pour les problème, c'est nouveaux que joueurs, c'est les ça. nouveaux joueurs font tout à l'envers, ils ne font plus l'effort de faire leur leveling, de faire leur quête, et du coup, ils ne savent pas comment s'y prendre pour faire les choses correctement et se retrouvent à la porte des donjons. Mais bon, Parce c'est la que vie. si on prend l'exemple d'un nouveau joueur lambda, il va voir que l'accès, enfin, l'instance s'il n'a pas accès, ben soit il va se casser le cul pour chercher l'accès de l'instance, bon, se casser le cul c'est entre guillemets quoi, il va chercher comment on va C'est faire. vraiment entre très grosses guillemets. Hein. Ouais, non, c'est pas très compliqué, c'est sûr. Ou soit ben, il va tout simplement sauter l'instance et là donc il va sauter à côté d'un contenu assez intéressant. Oh, mais je pense jusqu'à la prochaine fois. Si tu peux pas C'est aller ce à que j'ai. GT1, C'est tu ce fais que j'ai quand même. fait. Tu sautes cette instance cette fois-ci, puis une fois que tu as fini de faire ce que tu faisais, tu vas quand même voir comment faire pour rentrer dans cette instance. Ouais, enfin moi je trouverais ça frustrant quelque part que je puisse pas y accéder. Bon bien, il y a toujours moyen d'y accéder, c'est sûr. Enfin, moi je trouve pas ça très dérangeant en fait, parce que pour moi le fait de rajouter un accès à une instance, c'est pas ça qui va rendre l'instance plus intéressante ou plus difficile en fait. C'est juste l'accès. On y accède plus facilement, on y entre tout de suite sans avoir fait le tour du monde pour pouvoir récupérer la clé, qui est pour moi quelque chose qui se fait hors instance et qui se fait hors groupe. Mais finalement, en fait, l'accès, c'est plus le fait de te mettre dans l'ambiance de cette instance. C'est pas tellement une contrainte qu'on te pose. Je pense effectivement qu'après, comme dit JP, une fois qu'on a plus les accès, tu rentres dans une instance comme tu rentrerais dans n'importe quelle autre parce qu'elle est disponible, parce que t'es tombé là-dessus ou quoi. Et du coup, ça dénature complètement tout l'intérêt. J'ai plus l'impression que maintenant on fait de l'instance parce qu'il faut faire des instances et on s'en tape un peu de Et mais l'histoire. c'est ça le souci, c'est justement que ça va dans cette direction et que plus ça va et plus on fera les instances simplement parce qu'on n'a rien à faire dans le jeu et qu'on le fera vraiment en pick-up en permanence et puis on s'en fout complètement de où on va, de qu'est-ce qui se passe là-bas et finalement lors du jeu on n'en a plus rien à faire. Parce que bon, si on regarde bien maintenant, qu'est-ce qui reste comme accès instance? Bon, Gnomeragan, ouais, la clé d'atelier, ouais. Pourrait porter l'instance. Le monastère écarlate. Bon, c'est vrai que pour le monastère, c'est sympa de commencer par la bibliothèque, ensuite passer par l'armurerie, la cathédrale. Bon, en même temps, les accès, en fait, je pense aux vrais accès, ce serait par exemple pour Molten Core. Oh, ça reste un accès, la croisade, parce que quand même, si maintenant tu peux tout faire aléatoirement, tu as des instances de niveau 28 et puis tu as des instances de niveau 34. Ouais, mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que les clés d'instance, maintenant, si on a un voleur, ça passe, il décrochette la serrure et on ouvre, hein, quand on n'a pas fait on n'a pas la clé. Mais les accès servaient aussi quand même à la base à faire le tri entre les gens qui pouvaient y aller et ceux qui pouvaient pas. Ouais, bon, même nous, on est un peu partagés, enfin, je comprends, mon voit de point de vue, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément sujet à polémiquer, même si c'est vrai que c'est un peu... Oui. Question, est-ce que c'est juste pour les instances dites bas level, genre Gnomeregan ou le monastère, ou est-ce que ça rentre en ligne de compte dans ce qui est les instances héroïques de BC, où tu es obligé d'avoir des clés? Tu es obligé de te taper passer exalté dans toutes les saloperies de C'est honoré réputation. maintenant en plus. C'était baissé d'exalté, c'est passé honoré. Ah, Maintenant, ça d'accord. concerne aussi baissé, je crois, les héroïques en fait. Ok. Mais bon, de toute Oh, façon, les c'est héroïques, tu pourras pas les dommage. faire au niveau 61. Je crois qu'il faudra être 68 ou 70 pour pouvoir les faire. Mmh. Il y a toujours Ah. une condition d'accès du niveau. Enfin, c'est pas précisé, mais je pense que c'est sous-entendu. Parce que sinon, faire une héroïque au niveau 61, ça n'a pas de sens. Non, Non, de toute mais. façon, c'est limité au niveau. Je crois que c'est 70, quoi qu'il arrive, pour une héroïque de niveau 70. Ouais, un truc comme ça se doit être, effectivement. Donc voilà, bon ben, de toute façon, la polémique va continuer encore et encore sur les forums. Nous, c'était notre avis à tous les trois. En fait, ce que j'aurais compris, moi, c'est par exemple que si tu as un personnage d'une faction, par exemple, tu as un personnage à l'Alliance qui a déjà la clé, que tes autres personnages de l'Alliance n'aient pas besoin de cette clé. On pourrait justifier ça par le côté RP, du je te prête la clé, il n'y a pas de souci. Mais à la base, je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il voulait faire. Parce que c'est vrai que sur tous tes personnages, tu dois chercher tous les accès, ça, c'est vraiment casse-bonbon. Bah, c'est le Mais cas actuellement. les supprimer totalement, je trouve ça pas top non plus. Bon, ben voilà, donc le sujet reste ouvert. Bon, et pour finir sur une pointe de légèreté, on va un peu vous parler donc de la Japan Expo, où nous avons Amandine qui était là-bas, il y avait également Circle. Bon, mais Circle, malheureusement, n'est pas avec nous, donc il ne pourra pas nous en parler cette fois-ci. Amandine, toi qui y étais, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Alors la Japan Expo, la dernière fois que j'y étais allée, c'était en 2004 et c'était absolument bondé. Ça s'était déroulé en fait au CNIT de la Défense et c'était atroce. Il y avait, enfin, et encore, j'avais eu un billet coupe-fil à l'époque, mais il paraît qu'il y a des gens qui ont attendu jusqu'à 6 heures en plein soleil pour pouvoir rentrer. Putain, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Ah ben, non seulement il fait chaud, alors j'imagine pas, il va sûrement y en avoir qu'on fait des malaises. En plus, imaginez-vous qu'une personne sur 10 est en cosplay. Oh Allez là. rester 6 heures sous le soleil dans votre costume. Surtout si t'es en caleçon ou t'es bien rembourré en plus. Ah oui, là-bas, la plupart. Puis alors, t'es déguisé en Neo de Matrix, là, t'es content avec ton blouson en cuir. Et en plus de ça, imaginez-vous que si vous attendez 6 heures, sachant que ça commence à 10 heures du matin, vous rentrez à 4 heures du soir. Enfin, de l'après-midi, ça fait pas grand-chose à visiter. Donc, l'année suivante, en 2005, il n'y a carrément pas eu de Japan Expo, jusqu'en 2006, parce qu'ils ont tout revu. Maintenant, en fait, ils sont installés complètement ailleurs. Ils sont à Paris-Nord Villepinte. Donc, c'est très, très grand. C'est bien prévu. Il n'y a pas de souci. Et en fait, le seul truc, c'est qu'ils ont tellement prévu, au cas où ils ont tellement peur qu'il y ait des grandes files d'attente, que vous allez vous taper un parcours interminable à pied. Tu sais, comme quand tu vas Ah oui. au parc Astérix, tu sais, c'est la chenille qui redémarre. T'as des petits serpentins partout. Là là, horrible. Et tu marches dans ces serpentins. Bon, en tout, j'ai dû prendre 40 minutes avant d'accéder à T'es la pas un peu Japan Expo. marseillaise, toi, quand même? Non, non, non, non, sérieusement, 40 minutes, parce qu'on marche, on s'arrête un peu, on marche. Non, non, sérieusement, 40 minutes, mais 40 minutes, ça représente rien. À partir du moment où on est sur le parking, jusque pour rentrer à la Japan Expo, c'est rien du tout quand on pense qu'avant, ils attendaient 6 heures. Ouais, c'est sûr. Bon, ensuite, maintenant que je vous ai bien parlé du parking et des allées, on va peut-être pouvoir parler de la Japan Expo. Ouais, je Ouais. l'ai fait de beaux arbres. Alors, la Japan Expo, c'est complètement bondé, c'est un truc de malade. Et encore, j'y suis allée le vendredi, alors le samedi, je pense qu'il fallait être très courageux. Mais maintenant, voilà, il y a plus aucun tabou, aucune honte à être cosplayé. Je dirais qu'il y a au moins une personne sur 10 qui est en cosplay. C'est fascinant. D'ailleurs, j'ai dit à mon copain, écoute, c'est la seule fois dans ta vie où tu pourras voir Naruto parler avec l'accent du midi. Et effectivement, on en a vu des paquets. Ah, et Naruto, ça. Il n'y a pas eu des Buffy, non, avec le pied en santé. Non, il n'y a pas de même. Sérieusement, des Naruto, il y en a plein. Hein. T'en as 10 au mètre carré. Hola, bravo gars, je suis Naruto, comment ça va? Ah, mais je te jure, j'avais les mecs dans leur bus qui étaient là. Ouais, dis donc, il est super ton, je sais plus quoi, enfin bref, ton katana, on va dire. Ton Sharingan, est trop fort. Ah, ouais, Sharingan, pas quoi, les trucs qui se lancent, les kunai. Oh, dis donc, j'ai acheté ce kunai super pas cher. Quand Naruto qui parle comme ça, ça surprend. Et il y a énormément de filles qui ont des costumes assez sexy, des costumes de comment on peut dire, de soubrette, on va dire. Oh, ah non, ouais, vraiment, ce genre de costume. Et une fille sur trois au moins a des oreilles de chat sur la tête. Enfin, c'est vraiment rien que pour voir la foule hétéroclite là-bas, je pense que ça doit valoir le coup de se déplacer. C'est dommage, j'ai pas pris de photos, j'aurais dû, mais c'était génial. Ensuite, au niveau des stands, finalement, c'est là que c'est un peu plus décevant. C'est que la Japan Expo, c'est surtout un grand supermarché japonais, en fait. Dans le sens où la première raison pour laquelle les gens y vont, c'est découvrir une culture, on va dire, rencontrer d'autres gens qui partagent leur passion, etc. La deuxième raison, c'est acheter. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là-bas, c'est tu payes ta place quand même pour avoir le droit d'acheter des choses. C'est un peu particulier comme esprit, mais bon, c'est vrai qu'il y a énormément de boutiques de manga, énormément de boutiques de DVD. Maintenant, il y a de plus en plus de magasins, de stands qui vendent des cosplays, tout fait, qui vendent des vêtements japonais, énormément, ça a un succès fou. Et il y a aussi de l'art japonais traditionnel. Enfin, on trouve un peu de tout, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que maintenant, je dirais que au moins un tiers des stands qui sont à la Japan Expo sont des stands amateurs. Ah bon. J'ai trouvé ça impressionnant. Ouais. En fait, quand tu regardes, c'est sur le plan que je m'en suis aperçu. En fait, sur le plan, on doit avoir environ 40% des stands qui sont occupés par des amateurs qui font des fanzines, qui font des illustrations, qui font des créations du genre traditionnel japonais ou des trucs, des vêtements, etc. Et c'est tout à fait fascinant. Enfin, c'est la partie que je préfère à la Japan Expo. Je vous le cache pas, ce que font les amateurs, c'est ce qui me fascine le plus parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus original, de plus délirant et ils rivalisent tous d'inventivité pour vous présenter leurs créations les uns les autres et on trouve des gens extrêmement talentueux. Et je trouve ça fascinant. Vraiment, c'est pour ça que je vais à la Japan Expo et c'est pour ça que je ne suis pas revenue déçue vu la place que ça a pris parce que sinon, c'est vraiment, je vous dis, le côté supermarché bondé, ça m'avait vraiment dégoûté les fois précédentes. Et sinon, en fait, cette année, pour un billet à la Japan Expo, vous aviez le droit à une exposition qui se déroulait juste à côté, dans le hall numéro 6, la Japan Expo étant au hall numéro 5, qui était le Comic-Con. Alors, le Comic-Con, ça ne doit pas beaucoup vous parler. C'est pas une expo, c'est une convention. C'est pareil, en gros. Non, une expo, c'est pas pareil. Bon, expo, si tu veux, la Japan Exposition est une convention. Le Comic-Con est une convention aussi, comme son nom l'indique, Comic Convention. Bref. Donc effectivement, c'est pas une exposition puisqu'il n'y a pas de trucs accrochés sur les murs. Mais j'ai pas trop extrêmement bien compris non plus l'intérêt de la chose. En gros, c'est un hall du jeu vidéo. J'ai pas vu vraiment la partie comics. Ça a dû m'échapper peut-être. Le Comic-Con, c'est extrêmement bruyant. C'est des jeux vidéo de guerre qui vous sont présentés sur écran géant à 2 mètres du nez, en fait. Et on s'entend pas du tout. Rien que pour parler à des gens qui sont juste à côté de vous, même quand vous êtes 3 stands plus loin, c'est vraiment impossible. Je sais pas comment ils font là-bas. Pour vous dire, je suis allée sur le stand de Blizzard pour voir si éventuellement je pouvais pas rencontrer Tiven, Koenon, etc. J'ai vu Koenon qui est super sympa. Et j'ai pas pu voir Tiven parce qu'ils étaient totalement débordés. Et que c'était extrêmement bruyant, fatigant. Je pense qu'ils doivent être lessivés à la fin de la journée. Le Comic-Con, c'est la deuxième fois qu'ils le font. Je pense qu'ils ne sont pas encore très bien rodés parce que ça doit être, je pense, intéressant. Il y a sûrement beaucoup de choses à voir, mais c'est fatigant, c'est usant. Moi, c'est plein de bruit et de fureur, en fait. Faut aimer, quoi. Et toi qui as rencontré Quenon, alors il est comment? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. On ne va pas donner trop de détails sur son apparence physique. Disons qu'il est inattendu. Et que moi, ça m'a surpris. Et il a l'air vraiment super sympa. Vraiment adorable. Je ne sais pas du tout tellement comment est Quentin sur les forums. Mais en vrai, ça a l'air d'être un sacré gars, quoi. Je vous en dis pas plus. Donc, enfilera ton adresse à Quenon si vous voulez. Enfin, bref. Non, mais je vais lui demander moi-même. Enfin, je suis pas aussi timide. Bon, d'accord. Et est-ce que tu as vu de nos auditeurs, bon, puisque tu t'es pas à l'IRL, il n'y avait que Cédric, est-ce que tu as vu nos auditeurs à la Japan Expo ou à la Comic-Con? Et bah, malheureusement, non, parce que justement, j'aurais dû passer par Circle et en fait, il a perdu son portable. Donc, j'ai pas eu de ses nouvelles de la journée. Donc, je suis allée voir le stand de Blizzard juste avant de partir, mais là. Là-bas, soit il n'y avait personne, soit forcément les gens n'ont pas des t-shirts avec écrit « Je suis un auditeur de Wotaku ». Donc, voilà, j'ai vu Quanon et c'était mon périple de la journée et je suis repartie. D'accord. Bon, c'est vrai que signalons-le que la perte d'un iPhone est quelque chose d'assez grave quand même en soi pour que ce soit signalé. Voilà. Ok. Bon, des petites nouvelles notre IRL. Donc, on n'a pas eu trop de news dessus, mais on a vu déjà les premières photos qui ont été postées en fait, donc apparemment vous étiez une quarantaine à rencontrer, donc il y avait notamment Circle de Wotaku, il y avait également Flo et Alex d'Azeroth.fr. Alors Miyu nous a posté quelques photos sur le forum qui ont l'air assez sympas. Alors je tiens quand même à préciser, on voit sur les photos qu'il y a pas mal de gens qui sont venus avec des t-shirts de WoW, hein. On a de l'Exodar, on a du Naxxramas. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Ouais, ouais, gros geek quoi, c'est vrai. On a du Gnome également. Qu'est-ce qu'on a? Du short de Noah. Ça me fait rire, ça, en fait. C'est assez rigolo. On dirait presque que si t'as pas ton t-shirt de geek, t'es un noob. T'es quoi. Pas un geek. T'es un gros fake. Le geek est associé au t-shirt. Se dépetitérisera. D'ailleurs, sur une des photos, j'étais très impressionné de voir Myung brandissant Frostmourne. Ouais. Oh. La photo, elle est super. Il y a plusieurs photos. Frostmourne, ça a l'air d'être un sacré morceau. Elle a une tête. Elle a une Amandine, tu te calmes. Arrête, c'est comme c'est. Excuse-moi. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, la photo est super. Celle qu'elle a postée justement Myung dans notre forum sur l'IRL. Waouh, franchement, putain, le travail dessus. Et d'ailleurs, salut Myung qui est venu également en cosplay. Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est le costume. Je ne saurais pas. Effectivement, c'est un costume médiéval tout court. Bon, sinon, l'IRL avait l'air d'être assez sympa. On espère choper Circle le plus tôt possible dès qu'il rentre, parce que là, je crois qu'il doit être sur la route pour rentrer en Suisse. Et on essaiera d'avoir quelques petites infos. Je pense qu'il y aura des galeries photos en fait, qui vont circuler à droite, à gauche. Donc, restez connectés sur notre forum ou sur notre site. On essaiera de vous relayer toutes ces infos. Et au passage, je salue le scooter qui est passé derrière moi faisant un beau bruit. Voilà. Donc voilà, bah, pour ce 9e otaku, comme je vous l'ai dit, pas grand chose au niveau de news, enfin quelques news assez importantes, dont notamment justement la bêta et tout ce qui était nos IRL. Ah tiens, en parlant de news, Ludo, est-ce que tu peux nous dire à peu près où on en est de l'épisode 13? Oui, bien sûr, au niveau de l'épisode 13, l'enregistrement est pratiquement bouclé. Là, on a commencé également le montage, donc bon, on a monté une chronique sur toutes celles qu'il y a, mais bon, vu qu'on n'a pas terminé, donc c'est pour ça qu'on ne se met pas trop la pression. L'épisode 13 est toujours prévu, si tout va bien, pour juillet. Et voilà, d'ailleurs, concernant la version 2 du site, elle devrait sortir à peu près en même temps que l'épisode. Ouais, pour l'épisode 13, donc la V2 du site. Donc on espère que ça, tout sera prêt vu que ça fait un petit moment qu'elle traîne quand même elle aussi, donc on va faire en sorte que tout sorte en même temps. Voilà, donc ne vous emmerdez pas, on vous a sorti un épisode 12 de 3h45 car en fait vous avez la dose pour tout l'été, voilà. Ouais, elle a sorti 2 mois en retard, mais c'est grave. Ouais, deux mois et demi, ouais. Donc, voilà, donc l'épisode 13 est bien en route, vous inquiétez pas. Et même si on avait pris du retard sur l'épisode 12 pour le montage, l'épisode 13 était toujours en cours d'enregistrement pendant qu'on faisait le montage, l'épisode 12, donc c'est pour ça qu'on a assez bien avancé là-dessus. Voilà, voilà, des choses à rajouter encore? Un mot de la fin peut-être? Prout. Ah. Voilà. En forme, JP. Ludo? Je sais pas, bah tiens, arbre. Ah. Bah, pour moi, ce sera tractopelle. Voilà. Pour cette fois, il faudra que je fasse en pyramide en trois. Il faudra trouver le mot. Je passe. Caca camoulox. Papillon, ouais, barbecue, bravo. Bon, voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne semaine de jeu sur le patch 3.3.5. Éclatez-vous bien au Sanctum Ruby et avec les noms réels. Donc, les news cataclysmes, bah, ça arrive, hein, ça continue. Donc, restez également connectés. Alors, peut-être pas forcément sur notre site, on va pas forcément trop relayer des news comme ça, mais plus sur les sites dont c'est leur spécialité. Nous, ça se passe surtout sur nos forums pour tout ce qui est news à chaud, on va dire. Donc, n'hésitez pas à y passer également. On salue également tous nos forumers, hein, parce qu'il y en a énormément, il y en a chaque jour. Deux ou trois nouveaux. Un peu plus. Enfin, pas Et sept, un jour, deux nous chaque semaine. dominerons le monde. Ouais, voilà. Une communauté très active sur nos forums, donc bah, n'hésitez pas à faire coucou, vous allez voir, tout le monde est très sympa. Voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit bah, peut-être à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, en fonction de l'actualité. Salut à tous! Bye bye! Bye!